Intéresse. Vous en êtes la preuve. Ça intéresse tout le monde. Ça ne m'intéresse. Pas comme tout le monde. C'est bien pour ça que ça intéresse tout le monde. C'est que ça se sent. Dans ce que je dis. Pourquoi est-ce que ça sent? Parce que ce que je dis est un frayage. Qui concerne ma pratique. Un frayage par cette question. Bien sûr, je ne me poserais pas si je n'avais pas dans ma pratique la réponse. C'est qu'est-ce qu'implique que la psychanalyse opère? Vous venez de me voir mais ça n'a rien à faire avec ce que je fais de psychanalyse. Vous venez de me voir opérer au tableau. Ça n'a certes pas été, comme vous avez pu le voir, une petite affaire. Je m'y suis repris à 36 fois. Encore que j'avais un petit papier dans ma poche. Pour me guider, sans ça, je me serais... encore plus foutu dedans. J'aurais encore plus cafouillé que je n'ai fait. Effectivement. Ce que vous voyez à droite, c'est ce bon petit nœud. Boroméen pépère, nœud boroméen à quatre. Donc il est facile, immédiat, de voir si vous coupez un quelconque de ses rondes ficelles. Les trois autres sont libres et qu'il n'y a donc... pas la moindre complication à faire un nœud borroméen aussi long que vous voudrez. C'est-à-dire à nouer l'un à l'autre un nombre quelconque de rondes ficelles. Tel que, et j'ai déjà fait la remarque, tel que je le dessine là, le nombre de rondes ficelles n'est pas, si je puis dire, homogène. Comme vous pouvez le voir, rien qu'à regarder le schéma, il y en a ce que vous appelleriez un premier et un dernier. Tel que c'est fait comme ça, il ne peut pas y en avoir plus de quatre. Et si je procède de la même façon, pour qu'il y en ait cinq, il faudra en quelque sorte que je donne à celui, si vous voulez, celui tout à fait à droite que nous appellerons le dernier, une autre façon de se nouer. Parce que, en fin de compte, c'est le dernier qui tient toute la chaîne, qui fait que il y en a là quatre, et si je procède un peu plus loin, il y en aura cinq. À condition que je ne donne pas au dernier le même rôle, puisqu'il en tiendra cinq au lieu de quatre. Vous le savez par... j'ai dû au passage y faire allusion. La façon d'articuler l'essence du nombre qu'a fait Peano au moyen d'un certain nombre d'axiomes, il semble qu'ici, le n plus 1 le successeur que Peano met en valeur comme structurant le nombre entier, ceci à une seule condition, c'est qu'il y en ait un au départ qui ne soit le successeur de personne, c'est-à-dire ce qui m'est fort bien à se rendre ficelle, ce qu'il désigne par le zéro. Cette façon axiomatique que s'énonce Peano, que Peano fait son énonciation, c'est-à-dire qu'il pose un certain nombre d'axiomes et que c'est de là, conformément à l'exigence mathématique, arithmétique en l'occasion, qu'il construit quelque chose qui ne donne la définition d'une série qui sera au nombre entier, disons, parce que nous sommes ici, homologique, c'est-à-dire que tout ce qui sera fait au moyen de tels axiomes sera homologique à la série des nombres entiers. Mais qu'est-ce que je vous montre là? Quelque chose d'autre. Puisque là se spécifie la fonction de ce plus 1 comme tel, c'est ce plus 1 qui fait que supprimer lui, par exemple, il n'y a plus ici de chaîne, il n'y a plus de série, puisque du seul fait de la section de ce 1, entre autres, tous les autres, disons, se libèrent comme un. C'est une façon. La dirais-je matérielle. De faire sentir que un n'est pas un nombre. Quoique cette suite de nombres soit faite d'une suite de 1. À me servir de ronde ficelle. Disons que j'illustre quelque chose. Quelque chose qui n'est pas sans rapport. Avec cette suite des nombres. Que vous le savez, on a la plus grande peine à ne pas tenir pour constituante du réel. Tout abord du réel rend très difficile de ne pas tenir compte du nombre. Le nombre semble, pourquoi ne pas accueillir ce mot qui vient ici prématurément. Tout abord du réel est tissé par le nombre. Il y a dans le nombre une consistance qui est bien d'une nature. Nous pouvons dire pas naturel du tout. Puisque pour que fasse sentir, j'aborde cette catégorie du réel en tant que il y a quelque chose. Qui nous ce à quoi je suis amené à donner aussi consistance l'imaginaire et le symbolique, comment se fait-il que ceci, si je puis dire, me pousse d'abord à me servir du nœud. C'est au titre d'être la même. La même consistance dans ces trois quelque chose que j'originalise du symbolique, de l'imaginaire et du réel, c'est à ce titre d'être la même consistance, que je produis, et ce pourquoi pour me rendre raison de ma pratique, que je produis ce nœud borroméen. On n'a jamais fait ça. Jamais fait ça qui consiste, consiste en quoi? Faire abstraction de la consistance comme telle. J'isole la consistance comme quelque chose que j'appellerai comme ça pour vous, pour faire image, car de faire image, je m'en prive pas. Qu'est-ce que c'est qu'il y a là au tableau, si ce n'est des images dont plus étonnant, c'est que vous vous y repériez. Car ne croyez pas que ces images aille toute seule. Sans doute, vous avez l'habitude du tableau noir. Mais qu'est-ce que vous y voyez ? La peine même que vous avez vue, qu'il a fallu que je me donne, pour ces images, qui ont cette propriété que mise à plat, néanmoins, il faut qu'une ligne passe dessus, crossing over, ou passe dessous, under crossing. Ça fasse image, et déjà en soi-même miraculeux, je ne suis d'ailleurs pas tout à fait sûr que ces deux images, vous les saisissiez. Si aisément que cela, vous voyez bien qu'il y a une différence. Néanmoins, je vous pose le problème. Est-ce que, tel que c'est là, tel qu'il est fait, de la façon pépère que je vous avais déjà depuis longtemps signalé. Est-ce que c'est le même? Autrement dit, a simplement trifouillé le machin. Est-ce que vous pouvez, en celui-là, je ne dirais pas le transformer, puisque ça serait le même. Imposez-vous ça comme petit exercice. Est-ce qu'en d'autres termes, c'est le sens de ce que je vous demande? À quatre, ça marche. C'est le même nœud. Ou est-ce qu'il en faut un de plus? Car je vous dis déjà que dans une chaîne même comme celle-là, la transformation, ça s'obtient. Mais je ne vous dis pas pour vous en laisser à vous-même l'heure égale, je ne vous dis pas à partir de combien. Car il y a une chose qui est certaine, c'est qu'avec trois, vous ne produirez pas cette petite complice très particulière qui distingue apparemment la figure de gauche de la figure de droite. S'il y a quelque chose qui illustre que la consistance, quelque chose qui est en quelque sorte sous-jacent, à quoi? À tout ce que nous disons. Cette consistance est autre chose que ce qu'on qualifie dans le langage de la non-contradiction. C'est bien cette sorte de figure, en tant que là, c'est quelque chose que je suis bien forcé d'appeler une consistance réelle, puisque c'est ça qui est supposé. C'est qu'une corde, ça tient. On n'y pense jamais. On ne pense jamais à ce qu'il y a de métaphore dans le terme de consistance. Il y a quelque chose qui... Ce qui est plus fort que ça, c'est que... C'est que moi, cette consistance réelle... C'est par la voix... d'une intuition... dont je peux tout de même dire que puisque je vous la transmets par l'image, c'est par la voix d'une intuition imaginaire que je vous la communique. Et le fait que j'en suis sûr, vous ne soyez pas plus familier que moi avec ces sortes de figures, quelques frayages que je vous y donne en la dessinant au tableau. Je suis sûr que pour, disons, la grande majorité d'entre vous, la question que je pose, celle de la transformation, qui n'est pas une transformation, qui serait une transformation s'il fallait refaire le nœud pour que la... celle de gauche se transforme en celle de droite ou inversement. Je voulais poser cette question, est-ce le même nœud ? Il n'y en a pas beaucoup qui puissent tout à trac comme ça me le dire. Encore bien moins me dire pourquoi. Nous voilà donc avec, si je puis dire, en main, cette corde, comme fondement supposé de la consistance, d'une façon telle, que on puisse dire et qu'il s'agisse là de quelque chose à quoi nous soyons déjà habitués, à savoir la ligne géométrique. C'est tout de même bien autre chose. Non seulement la ligne géométrique, ce n'est pas ça, mais chacun sait que ce qu'elle engendre, c'est toutes sortes de problèmes concernant sa continuité qui ne sont pas rien et... qui ne sont pas rien. Pourquoi ? Justement de ce qu'est la ligne. Nous ne pouvons pas ne pas la supporter de quelque chose qui est cette consistance, justement, qui fasse corde. C'est même là le principe. Le principe de ceci que Dans la première poudre aux yeux qui fut donnée des fonctions dites continues, il semblait qu'on ne pouvait pas construire de ligne qui n'est quelque part une tangente. Que cette tangente fût droite ou courbe, d'ailleurs peu importait, c'est cette idée que la ligne n'était tout de même pas sans épaisseur que se sont produits ces mirages avec lesquels les mathématiciens ont dû longtemps se battre, et que d'ailleurs il a fallu du temps pour qu'il s'éveille à ceci. On pouvait faire une ligne parfaitement continue et qui n'eût pas de tangente. C'est dire quand même l'importance qu'a cette image. Mais est-ce bien une image? Après tout, c'est pas pour rien que vous dites, bien la corde, hein? Eh bien la corde, ça veut dire qu'une corde, quand à l'autre bout c'est noué, on peut s'y tenir. Ça a quelque chose à faire avec le réel, et c'est bien là que... Mon Dieu! Ouais, mon Dieu, ça ne me paraît pas à côté de la plaque. De vous rappeler que dans sa règle, les bonnes règles pour la direction de l'esprit, un nommé Descartes, n'avait pas cru superflu. Pas cru superflu dans cette règle 10. De faire la remarque que, comme tous les esprits ne sont pas également portés à découvrir spontanément les choses par leur propre force, cette règle, celle qu'il énonce, apprend qu'il ne faut pas s'occuper tout de suite des choses plus difficiles et ardues, moins important, mais qu'il faut approfondir tout d'abord les arts les moins importants et les plus simples, ceux surtout où l'ordre règne davantage, comme sont ceux des artisans qui font de la toile et des tapis, ou ceux des femmes qui brodent ou font de la dentelle, ainsi que toutes les combinaisons des nombres, et toutes les opérations qui se rapportent à l'arithmétique et autres choses semblables. Il n'y a pas le moindre soupçon qu'en disant ces choses, Descartes eut le sentiment qu'il y a un rapport entre l'arithmétique et le fait que les femmes font de la dentelle, voire que les tapissiers font des nœuds. Il Il est d'autre part certain que jamais Descartes ne s'est le moindrement du monde occupé des nœuds. Il a fallu, bien au contraire, être déjà assez avancé dans le XXe siècle pour que quelque chose s'ébauche qui puisse s'appeler théorie des nœuds. Vous savez d'autre part, parce que je vous l'ai dit, que cette théorie des nœuds est dans l'enfance, est extrêmement maladroite, et telle qu'elle est fabriquée, il y a bien des cas où, sur le vu d'une simple figure comme celle que je viens de faire au tableau, vous ne pouvez d'aucune façon rendre raison de ceci, si oui ou non, l'embrouillis que vous avez tracé est ou n'est pas un nœud. Ceci, quelles que soient les conventions que vous vous soyez données par avance, pour rendre compte du nœud comme tel. C'est qu'aussi bien il y a quelque chose qui vaut qu'on s'y arrête. C'est ceci. C'est que est-ce du fait de l'intuition, mais ce que je vous démontre, c'est que ça va bien plus loin que ça. C'est pas seulement que la vision fasse toujours plus ou moins surface, c'est pour des raisons plus profondes et qu'en quelque sorte ces nœuds vous rendent tangibles. C'est pour des raisons plus profondes, pour ce qui est de la nature, des choses, comme on dit, l'être qui parle. Puisqu'après tout, nous ne pouvons pas dire grand-chose des autres, au moins jusqu'à ce qu'on soit entré d'une façon un peu plus aiguë dans le biais de leur sens. Pour l'être qui parle, il est toujours quelque part mal situé. Entre deux et trois dimensions. C'est bien pourquoi vous m'avez entendu produire ceci qui est la même chose. La même chose que mon nœud, cet équivoque sur dix mentions que j'écris, comme vous le savez, parce que je vous l'ai exprimé, que j'écris DIC tiret et puis mention. Mention du dire. On ne sait pas très bien si dans le dire, les trois dimensions écrites comme à l'accoutumée, nous les avons bien. Je veux dire, si nous sommes si aisés à nous y déplacer. Tatsoa trekeille. Et nous sommes assurément la zone, nous marchons. Mais il ne faut pas s'imaginer, parce que nous marchons, nous avons quelque chose qui a le moindre rapport avec l'espace à trois dimensions. Que notre corps soit à trois dimensions, c'est ce qui ne fait aucun doute pour peu que de ce corps on crève la boudouille. Mais ça ne veut pas du tout dire que ce que nous appelons espace, ça ne soit pas toujours plus ou moins plat. Il y a même des mathématiciens pour l'avoir écrit en toutes lettres. Tout espace est plat. Toute manipulation de quelque chose de réel se situe dans ce cas, dans un espace dont c'est un fait que nous savons très mal le manier, en dehors de techniques qui imposent cet espace à trois dimensions. C'est évidemment tout à fait frappant que ce soit une technique, qu'on peut réduire à ce qu'elle est apparemment, à savoir le jaspinage, qui, à moi, me force la main sur cette sous-pesée, si je puis dire, l'espace comme tel. Si nous partons de quelque chose qu'il faut bien dire être la science. Est-ce que la science ne nous permet pas de soupçonner que cette a traité l'espace la même façon que celle qui s'impose du fait technique qui s'impose à moi tout au moins. Que ce qu'elle rencontre c'est le paradoxe. Car enfin, on ne peut dire que la matière, vous en avez un petit peu entendu parler, que la matière ne lui fasse pas problème à tout instant. Problème, c'est-à-dire, c'est ça que ça veut dire, problème. Défense, avancée, chose à concasser pour qu'on arrive à voir ce que ça défend. La science ne s'est peut-être pas encore tout à fait rendue compte que si elle traite la matière, c'est comme si elle avait un inconscient, la dite matière. Comme si elle savait quelque part ce qu'elle faisait. Naturellement, c'est une vérité qui s'est très rapidement éteinte. On s'en est aperçu, il y a eu un petit moment de réveil au moment de Newton. On lui a dit, mais enfin, cette histoire, cette sacrée gravitation que vous nous racontez, enfin, comment d'ailleurs pouvait-on se la représenter avant? Mis à part le topos d'Aristote. Enfin, c'est à nous impensable. Impensable parce que pourquoi? Parce que nous avons les petites formules de Newton et que nous n'y comprenons rien. C'est ce qui en fait la valeur. Car quand ces formules ont fait leur entrée, c'est tout de suite ça dont il a fait objection, tout à savoir, enfin. Mais comment est-ce que chacune de ces particules peut savoir à quelle distance elle est toutes les autres? C'est-à-dire que ce qu'on évoquait, c'était l'inconscient de la particule, bien sûr, tout ça s'est éteint. Parce qu'on a simplement renoncé à rien y comprendre. Et d'ailleurs, c'est dans la mesure où on y est revenu qu'on a pu parvenir à des formules plus compliquées et nouant un petit peu plus de dimensions dans l'affaire. C'est bien le problème. Qu'est-ce que c'est que... que cette analyse, au sens proprement la technique, celle que j'ai en commun avec un certain nombre des personnes qui sont ici, quelle place occupe cette technique au regard de ce que fait la science? Mais qu'est-ce qu'elle compte dans cette matière? Se voir s'il n'y avait pas le langage qui déjà véhicule le nombre. Quel sens ça aurait-il de compter? Est-ce que l'inconscient, par exemple, a du comptable en lui? Je ne dis pas quelque chose qu'on puisse compter. Je dis s'il y a un comptable, au sens du personnage que vous connaissez qui scribouille des chiffres. Est-ce qu'il y a du comptable dans l'inconscient? C'est tout à fait évident que oui. Chaque inconscient n'est pas du comptable, est incomptable. Et un comptable qui sait faire les additions. Naturellement, la multiplication, il n'en est pas encore là, bien sûr. C'est même bien ce qui l'embarrasse. Mais pour ce qui est de compter les trucs, de compter les coups, je ne dirais pas qu'il sait y faire. Il est extrêmement maladroit. Mais il doit compter dans le genre de signes. C'est de là que procède le fameux sentiment de culpabilité dont vous avez probablement quelquefois entendu parler. Le sentiment de culpabilité est quelque chose qui fait les comptes. Qui fait les comptes et bien entendu ne s'y retrouve pas. Il ne s'y retrouve jamais. Il se perd dans ses comptes. Mais c'est bien là où se touche, qui a au minimum un nœud. Ce nœud dont, si vous me permettez de vous le dire, la nature a horreur. Une autre chanson que la nature a horreur du vide, la nature a horreur du nœud. La nature a horreur du nœud, tout spécialement borroméen. Et chose étrange, c'est en cela que je vous repasse le machin. Le machin, ça n'est rien de moins que l'ours Verdrenk. Le refoulé originaire, le refoulé primordial, et c'est bien pour ça que je vous conseille vous exercer avec mes deux petits machins. C'est non pas ça vous donnera quoi que ce soit du refoulé, puisque ce refoulé, c'est le trou. Jamais vous ne l'aurez. Mais en route, à manipuler ce petit nœud, vous vous familiariserez au moins avec vos mains, avec ce quelque chose auquel, de toute façon, vous ne pouvez rien comprendre, puisqu'il est tout à fait exclu que ce nœud, vous le sachiez. C'est même bien pour ça l'histoire en témoigne. C'est bien pour ça que la géométrie est basée par partout, par les cubes, par les pyramides, les diverses formes de hérissons, enfin que autour desquels enfin, on a cogité. Enfin, la rigueur, ce qui ne veut rien dire d'autre que les solides. Alors que elle avait à la portée de sa main, quelque chose qui valait bien, mon Dieu, les pierres dont elle faisait le charroi, ou les sangles, justement, qui ne pouvaient pas mesurer sans tendre des cordes. Jamais à ces cordes, personne ne semble avoir réservé avant une époque très moderne la moindre attention. En un certain sens, je dirais que y a quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on s'intéresse à des mots, à des termes comme celui, par exemple, de la mythologie? Qu'est-ce qu'il y a entre? Entre quoi et quoi? Il s'agit de définir qu'est-ce que c'est entre. Oui. Je t'entre. C'est mon tantrisme à moi. Entre est une catégorie qui a fait son apparition, enfin, tout récemment dans la mathématique, et c'est bien dans cela, enfin, que de temps en temps, je vais consulter un mathématicien pour qu'il me dise où ils en sont à cet égard. Il y a quelque chose que pour prendre vous voyez, je fais des progrès. Je suis presque arrivé à dessiner un nœud borroméen. Sans être forcé de faire des petits effaçages. Je voudrais, aujourd'hui, puisque déjà l'heure avance, annoncer ce que j'ai à dire et qui nous prendra notre année. Ici, au joint de l'imaginaire et du symbolique, et pas dans n'importe quel joint, dans ce joint-ci, vous pouvez confondre ces deux points. Encore qu'ils ne procèdent pas du même mouvement. Du même mouvement relatif de l'imaginaire et du symbolique. Dans ces deux points qui d'ailleurs se confondent, quand de l'imaginaire et du symbolique le coincement se produit, en ces deux points il y a le temps. Il faut bien que je fende un peu les choses puisque je m'en excuse. J'ai dû traîner pour vous donner un peu une dimension. Une dimension qui me tracasse, celle du nœud. Ici. Et là. Vous voyez comme c'est difficile. Il faut quand même que je clignole un peu. Nous avons quelque chose qui s'appelle la jouissance phallique. Voilà, pourquoi est-ce que nous l'appelons la jouissance phallique ? Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'existence. L'existence doit dire que ça a une histoire. C'est pas un mot qu'on employait si aisément ni volontiers, au moins dans la tradition philosophique. Mais comme nous ne savons pas comment parlaient les gens des premiers siècles, je veux dire que nous avons certes des aperçus sur une certaine langue latine, langue vulgaire, telle qu'elle a été parlée dans une surface, enfin, considérable. Cette langue noyau qui sont sortis, enfin, sont sortis par différenciation les langues romanes. Cette langue latine vulgaire, nous n'avons aucun témoignage qu'on y employât l'existo. Ni l'existerait. Néanmoins, il est curieux que ce terme ait fait son émergence et son émergence dans un champ que nous appellerons philosophico-religieux. C'est tout à fait dans la mesure où la religion humaine, l'humante religieuse, où la religion humaine, la philosophie, nous avons vu sortir ce mot d'existence, qui semble pourtant avoir eu, c'est le cas de le dire, bien des raisons d'être. Qu'est-ce que c'est que cette existence et où pouvons-nous bien la situer? Cette existence est très importante en soi. Parce que si nous avons l'idée, une idée de quelque chose qui vient à la place de cette espèce de production naïve, de production naïve, qui ne part que des mots. À savoir ce dans quoi on s'est avancé. Avec Aristote. À savoir que dictum de omni et nullo s'exprime-t-il quelque part. Voilà ce qu'est l'universel. Ce qu'on dit de tout peut aussi bien s'appliquer à quiconque. C'est de là que le premier débrouillage linguistique s'est fait. Le grave, c'est que la suite a consisté à démontrer à Aristote, qui n'en pouvait mettre depuis longtemps, que l'universalité n'impliquait pas l'existence. Mais c'est pas ça qui est grave. Dans une certaine appréhension des choses. Que l'universalité n'implique pas l'existence, nous en faisons le balayage tous les jours. C'est que l'existence implique l'universalité qui est grave. C'est que dans ce qui est l'existence, nous aspignons quelque chose qui participe du général. Alors que tout ce pourquoi c'est fait, mon petit nœud à Borroméen, c'est pour vous montrer, que l'existence, c'est sa nature, ce qui est ex. Qui tourne autour du consistant, mais ce qui fait intervalle, et qui, dans cet intervalle, a 36 façons de se nouer. Justement dans la mesure où nous n'avons pas avec les nœuds la moindre familiarité, ni manuelle, ni mentale. C'est la même chose d'ailleurs. Beaucoup de gens soupçonnaient, enfin, j'espère que l'homme n'est qu'une main, s'il était encore une main. Il a tout son corps, enfin il pense aussi avec ses pieds, je vous ai même conseillé de le faire. Parce que c'est après tout ce qu'on peut vous souhaiter de mieux. Là, qu'est-ce qui résiste à l'épreuve de l'existence, à prendre comme ce qui se coince dans le nœud. il y a quand même là un frayage. Le frayage fait par Freud. Freud n'avait certainement pas l'imaginaire, du symbolique et du réel, la notion clé. La notion clé, parce que c'est le minimum qu'on puisse avoir. Appelez-les comme vous voudrez. Pourvu qu'il y ait trois consistances, vous aurez le nœud. Ce que Freud a fait, n'est pas sans se rapporter à l'existence et de ce fait à s'approcher du nœud. Je vais comme ça parce que je suis gentil et parce que je vous ai assez emmerdé aujourd'hui. Vous montrez un truc que je trouve moi assez rigolo, naturellement de mon invention. Et à mon avis, ça illustre bien quelque chose qui donne tout son prix à ce que, sur quoi je vous ai interrogé, à savoir si quel même nœud les deux du milieu. Freud n'avait pas l'idée du symbolique, de l'imaginaire et du réel. Mais il en avait quand même un soupçon. Le fait que j'ai pu les en extraire avec le temps, sans doute, et de la patience, que j'ai commencé par l'imaginaire, et qu'après ça, j'ai assez dû mâcher cette histoire de symbolique avec toute cette référence. Cette référence linguistique, dans laquelle je n'ai pas effectivement trouvé, enfin, tout ce qui m'aurait bien arrangé, enfin. Et puis ce fameux réel que je finis par vous sortir sous la forme même du nœud. Il y a chez Freud une référence. À quelque chose qu'il considère comme le réel. C'est pas ce qu'on croit. C'est pas la réalité ex principe. Parce qu'il est trop évident que cette réalité, ce principe est une histoire. Est une histoire de dire. C'est-à-dire social. Mais supposons qu'il ait eu le soupçon. Simplement qu'il ne se soit pas dit que ça pouvait faire nœud. Bref, Freud, contrairement à un nombre prodigieux de personnes, depuis Platon jusqu'à Tolstoï, Freud n'était pas lacanien. Il faut bien que je le dise. Mais à lui glisser sous le pied cette peau de la naine, enfin, n'est-ce pas, durcie, le réel du symbolique et de l'imaginaire. Essayons de voir comment il s'en est, mais effectivement débrouillé. Cela ne tient pas, hein? Ils sont posés l'un sur l'autre. Le réel est là, l'imaginaire est là, et le symbolique est là, tout comme dans le schéma tout à l'heure. Ah, qu'est-ce qu'il a fait, Freud? Ah, je vais vous dire. Il a fait le nœud à quatre. Avec ces trois, je lui suppose, pour une banane sous le pied. Mais alors, il a approché. Il a inventé quelque chose qu'il appelle réalité psychique. On viendrait, j'ai mis ici le troisième champ de l'existence, à savoir la jouissance de l'autre. Puisque ces deux figures se figurent bien, les mêmes, vous voyez que c'est une ligne qui se trouve parcourir les champs qui sont dessinés de l'existence de quelque chose autour de la consistance, de parcourir tous ces champs. Ici, dans la jouissance de l'autre, puis dans l'imaginaire, puis dans le sens, puis du trou du symbolique, et le franchissant d'être quelque part existence extérieur au symbolique et au réel. Il fait retour vers ce point, n'est autre que celui que je désigne de l'objet petit a. Mmh. C'est ce qui peut nouer d'un quatrième terme le symbolique, l'imaginaire et le réel. En tant que symbolique, imaginaire et réel sont laissés indépendants, sont à la dérive dans Freud. C'est en tant que cela qu'il lui faut une réalité psychique qui noue ces trois consistances. J'ai dit ici, ou si ce n'est pas ici, c'est ailleurs, c'est dans mon discours de Rome, le dernier que j'ai fait, celui que j'appelle le troisième, j'ai dit que si j'avais fait les noms du père écrits cette fois correctement, j'aurais énoncé une consistance. J'aurais énoncé une consistance telle qu'elle nous donnerait raison de certains des glissements de Freud. Il a fallu à Freud, non pas trois le minimum, mais quatre consistances pour que ça tienne. À supposer, initié à la consistance du symbolique, de l'imaginaire et du réel. Ce qu'il appelle la réalité psychique a parfaitement un nom. C'est ce qui s'appelle complexe d'Édipe. Sans le complexe d'Édipe, rien ne tient. Rien ne tient de l'idée qu'il a, de la façon dont il tient à la corde du symbolique, de l'imaginaire et du réel. Ce par quoi, avec le temps, est tenu à procéder, vient de ceci que je crois que de ce que Freud a énoncé, non pas dit, le complexe d'Édipe, est à rejeter. Il est implicite, et cette année je vous le montrerai, il est implicite dans le nœud tel que je le figure, du symbolique, de l'imaginaire et du réel. Il est implicite, et ceci se démontre, et chacun de ces points peut en lui-même se préciser, il est implicite en ceci, que pour avoir le même effet, cette fois au minimum, il y suffit. Il y suffit de faire face. En ces deux points, qui était sous, dessus. En d'autres termes, il faut que le réel surmonte, si je puis dire, le symbolique, pour que le nœud borroméen soit réalisé. C'est ce que, pour avoir quatre termes, Freud lui-même n'a pu faire. Mais c'est très précisément ce dont il s'agit dans l'analyse, c'est de faire que le réel, non pas la réalité au sens de redire, que le réel en deux points, que je nommerai comme tel, que le réel en deux points surmonte le symbolique. Il est clair que ceci que j'énonce ici, sous cette forme, n'a rien à faire avec un surmontement au sens imaginaire que le réel devrait, si je puis dire, dominer. Mais il suffit que vous retourniez ce petit machin pour que vous aperceviez que dans le sens contraire, bien sûr, ça ne marche pas et on ne voit pas pourquoi. Le nœud borroméen serait moins réel si vous tournez le truc. Je vous fais remarquer, je vous l'ai déjà dit une fois au passage, que si vous le retournez, il a toujours exactement le même aspect. C'est-à-dire que si vous le retournez, ce n'est pas sur l'image en miroir que vous avez à faire, c'est exactement le même machin. L'évogile que vous avez dans le nœud borroméen que vous trouvez au dos, si je puis dire. Ceci pour préciser qu'il ne s'agit pas, bien sûr, d'un changement d'ordre, d'un changement de plan entre le réel et le symbolique. C'est simplement qu'il se noue autrement. Se nouer autrement, c'est ça qui fait l'essentiel du complexe d'Édipe. Et c'est très précisément ce en quoi opère l'analyse elle-même. C'est à entrer dans la finesse de ces champs d'existence que cette année nous procéderons. Il est déjà une heure assez avancée. Je renonce. Vu la difficulté de la lenteur de ce que je vous ai aujourd'hui présenté, je renonce à aller plus loin, remettant à notre prochaine rencontre qui aura lieu dans 10 jours. La suite de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je peux quand même marquer quelque chose, c'est que si l'existence se définit par rapport à une certaine consistance, si l'existence n'est en fin de compte que ce dehors, qui n'est pas un non-dedans, si cette existence est en quelque sorte ce autour de quoi se s'évapore une substance. Si l'existence telle que un Kierkegaard nous l'avance est essentiellement pathétique, il n'en reste pas moins que la notion d'une faille, que la notion d'un trou, même dans quelque chose d'aussi exténué que l'existence, garde son sens. Que si je vous ai dit d'abord qu'il y a dans le symbolique un refoulé, il y a aussi dans le réel quelque chose qui fait trou. Il y a aussi dans l'imaginaire, Freud s'en est bien aperçu, et c'est bien pourquoi il a fignolé tout ce qu'il en est des pulsions dans le corps, comme étant centré autour du passage d'un orifice à l'autre.